Nos erreurs qui apprennent de nous, tout dans la force et tout dans l'excès. Ouais Hugo, j'ai la haine de fou, crash, aigreur et frustration. Gros refrain pour que la street retienne, j'rappe au rythme de mes pulsations. Gros coup de rein pour que cette bitch revienne. Sexe, pouvoir et PMO, c'est la trinité pour nos âmes du fait. Mec, je m'excuse pour l'usage du terme, mais j'en tue, tu me jugeras à la place du père. Toi, pas les couilles, passe le mariage gay, qui se tape la reste et ça leur cultive. Non, moi je suis pragmatique, même si je fais de l'art abstrait. Veux juste me gaver sans enquiquinement, pas plus faire l'éducation de gros gosses. C'est à leur daron de faire leur job. J'suis pas un de ces faux rebelles low cost. Rien qui te m'étonne et rien que tu coffes. Savent pas dans quelle case me mettre. Moi j'sais dans quel trou leur foutre. Corps de cheux là efface de traître. La concurrence à l'rire pour leur sourd. Ici tu verras peu de raison. Ici tu verras peu de coups de foutre. T'auras droit qu'à des regards très sombres, à des classes sur le boule et à beaucoup de foutre. Frère Renoir font de vraies choses. Savent bien ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils exposent. Ils distribuent de vraies doses. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Baisse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. Dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Baisse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. Dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier soir. Tout cela a boosté des bougnatiers. Non Hugo, ça n'arrange pas le Nesby. Ouais Hugo, j'suis venu tout rafler. Comme les beurrettes dans l'R&B. Sorti du fin fond du four. Crac, musique pour tous mes accros. Hurlement de panique et mouvement de foule. Lève les bras, c'est un bras. Fuck à peu près la demi-mesure. Ouais Hugo, c'est ma mentale. Soit j'crève au fond des abysses. Soit j'règne au sommet de la montagne. J'rappe pas pour les mouflets, mais pour les OG qui cogitent. Couplet après couplet, promotionne ma poésie maudite. Trop de pêcheurs pour un seul dieu. Trop de lécheurs pour une seule queue. J'aime bien me faire sucer au clair lune. Ouais girl, ça c'est mon côté fleur bleue. Vite j'ai grandi à Orleans. Faites honneur à tous mes carnassiers. Cagoulé comme pour un bal masqué. Grosse transaction de pilon et carnassé. Et les dégneux arrogants sur de moi. J'suis beaucoup plus complexe qu'ils le croient. J'fais le beat pendant que leur gamine tapine. Pour pouvoir raquer leurs études de droit. Vrai niggas font vrai tease. Même les astres le prédisent. Pas dans le game mais en guerre. Ouais Hugo, loin dans le turfu, that's where we go. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Baisse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était mon dernier droit. J'frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Baisse comme si c'était ma dernière fois. Dernière fois. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. J'rappe comme si c'était mon dernier droit. Dernier droit. Dernier droit. Dernier droit.